France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la nature et de ses langages avec un philosophe américain qui promeut carrément un nouvel animisme. David Abram, philosophe de ce qu'il appelle l'écologie de la profondeur, est avec nous ce matin. David Abram est un philosophe américain. Il a publié en 1996 un ouvrage intitulé en anglais « The Spell of the Sensuous » qui a été traduit en français aux éditions La Découverte sous le titre « Comment la Terre s'est tue ». Ce livre a été remarqué. Il décrit dans une langue souvent poétique un lien profond des humains avec la nature, les plantes, les animaux, en suggérant qu'hélas, toutes ces expériences sensorielles ont été refoulées par l'homme occidental depuis bien longtemps, notamment à cause du fonctionnement même de notre langage et du rapport à notre corps. Nous allons préciser tout cela ce matin. Un autre livre de David Abram, Becoming Animal, paru à l'origine en 2010, vient d'être traduit en français aux éditions Dehors sous le titre « Devenir animal, une cosmologie de la Terre ». Plus encore que dans le livre précédent, David Abram réfléchit là à certaines expériences limites permettant aux humains de se fondre véritablement dans d'autres êtres vivants, dans le plus qu'humain, comme il dit. Dans tous ses écrits, David Abram sollicite plusieurs œuvres philosophiques, en particulier celle du philosophe français du XXe siècle, Maurice Merleau-Ponty. Abram propose-t-il une lecture orientée des réflexions de Merleau-Ponty sur le corps? Ouvre-t-il de nouveaux horizons? Quelles sortes d'objets philosophiques, au fond, sont les livres de David Abram? Nous évoquons tout cela avec vous-même, David Abram. Merci d'être là, c'est un honneur dans ce studio. Bonjour, bienvenue. Hello, it's wonderful to be here. Plaisir d'être avec vous. C'est l'excellent Michel Zlotowski qui sera notre interprète, votre interprète ce matin. Bonjour. Et puis nous avons invité deux lecteurs en quelque sorte de votre œuvre qui vont dialoguer avec vous. Bonjour Anne Simon. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, enseignée au département de littérature de l'École normale supérieure. Vous vous intéressez à la façon dont le rapport à la nature renouvelle ces dernières années, en particulier la langue poétique et avec elle la pensée. C'est une approche qu'on appelle, paraît-il, la zoopoétique. Eh bien, vous nous expliquerez, Anne Simon. Bonjour Pierre Guénantia. Vous êtes philosophe, professeur émérite de l'Université de Bourgogne. Vous êtes déjà venu dans notre émission, notamment pour nous parler de Descartes, dont vous êtes un éminent spécialiste. Cela dit, vos centres d'intérêt en philosophie sont variés. Vous connaissez très bien Merleau-Ponty, sur lequel vous avez publié. Et votre dernier livre, paru au PUF en 2023, s'intitule « L'homme sans moi, MOI ». Essai sur l'identité. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Pour commencer cette discussion sur l'œuvre du philosophe américain David Abram, je vous propose d'entendre un extrait de son ouvrage « Comment la nature s'est tue ». En automne 1985, un puissant ouragan a traversé la banlieue de Long Island, où je vivais alors le temps de mes études. Pendant plusieurs jours, une grande partie des habitants sont restés sans électricité. Les câbles électriques pendaient au sol, les lignes de téléphone étaient coupées et les rues parsemées d'arbres renversés. Les gens devaient marcher pour aller travailler ou se rendre dans quelques magasins encore ouverts. Nous avons commencé à nous rencontrer dans les rues, en personne, et non plus par téléphone. En l'absence des automobiles et de leurs moteurs bruyants, les rythmes des grillons et des oiseaux devenaient clairement audibles. En vol migratoire, ces oiseaux filaient vers le sud pour l'hiver, et un grand nombre d'entre nous se sont retrouvés à écouter, simplement, avec une curiosité neuve et enfantine, leurs chants se répercutaient parmi les arbres encore debout et à travers les champs. La nuit, le ciel étincelait d'étoiles. Beaucoup d'enfants, dont les yeux n'étaient plus aveuglés par la lumière des maisons et l'éclairage des rues, voyaient la Voie lactée pour la première fois et en étaient stupéfaits. Pendant ces quelques jours et ces quelques nuits, notre ville est devenue une communauté, et elle a perçu sa place au sein d'un cosmos comprenant toute chose. Même nos nez semblaient se réveiller. Les fraîches odeurs de l'océan étaient, d'une manière ou d'une autre, devenues plus vibrantes et plus salées. L'effondrement de nos techniques avait imposé un retour vers nos sens, et donc vers le milieu naturel, dans lequel ces sens sont si profondément ancrés. Nous nous sommes soudain découverts, habitant un monde sensuel, qui avait été là, attendant des années durant, aux marges même de notre expérience. Un terrain intime, imprégné de chants d'oiseaux, d'embruns salés et de la lumière des étoiles. David Abraham, comme on le voit dans ce texte, vous avez une très belle écriture, vous décrivez magnifiquement l'environnement naturel autour des humains. Est-ce que vous avez conscience d'une véritable entreprise poétique dans vos livres? Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que vous écrivez de la poésie, David Abraham? Well, it is certainly my intention. C'est certainement mon intention d'écrire avec un sentiment de rythme, de texture, de tonalité, même le goût des mots sur la langue, parce que je veux refléter, pas simplement comme un corps désincarné qui parle à d'autres esprits désincarnés, mais d'écrire comme un animal incorporé, parce que c'est le corps qui est mon accès aux autres animaux, aux plantes, au vent, aux eaux. Alors, oui, c'est évident, je suis contente que ce soit clair d'entrée de jeu, cette dimension poétique et corporelle de votre démarche. Mais il y a un peu plus dans votre démarche. Vous écrivez dans ce premier livre que nous avons évoqué, « Comment la Terre s'est tue », le fait que la perception est toujours participation de la nature. La nature fait elle-même, dites-vous, une expérience lorsque nous la sentons, la ressentons. Elle aussi ressent quelque chose, vous l'affirmez. Et vous dites que dire cela n'est pas une projection sur la nature, que ce n'est pas une imagination de notre part, que ça, penser les choses ainsi, c'est l'homme occidental qui dénie, qui renie l'expérience de la nature. Donc est-il bien clair que vous assumez de dire que la nature a une sorte de conscience, sensorielle notamment? Yes, for me, and it is something that I learned first from Maurice Merleau-Ponty. C'est quelque chose que j'ai appris de Maurice Merleau-Ponty. Sense that I am not a mind. Le sens que moi, je ne suis pas un esprit qui habite mon cerveau, qui habite mon corps, mais je suis un corps. Le sujet de mon expérience, c'est ma chair de créature, et que les sens, les oreilles, les yeux, la langue, les narines sont les canaux principaux. En fait, ce sont les voies principales que possède mon corps pour se relier à l'écosystème environnemental. Comme si nos sens animaux travaillaient comme une sorte de colle qui liait notre système nerveux central à l'écosystème de la Terre globale. Donc moi, je deviens partie de l'esprit du sol lui-même. Le sol se pense à travers moi. L'esprit est donc dans le sol. Le sol, la Terre, les arbres ont un esprit, une conscience, diriez-vous, pour vous, parce que je voudrais aller au bout, évidemment, de votre propos, cette fois-ci, philosophique. Well, for me, certainly, it is not only the human that Ce n'est pas seulement les humains qui ont une conscience, mais nous participons à une conscience qui n'est pas la nôtre, mais qui est la conscience de la Terre. Le pommier participe de cette conscience, de son propre angle, par ses propres sens, ses racines, ses feuilles, son tronc, ses branches. Et donc, son expérience de la conscience est différente de la mienne. L'expérience d'une araignée, d'un oiseau, est totalement, fondamentalement différente de notre expérience, parce que leurs corps sont tellement différents du mien. Chacun d'entre nous, par nos corps, par notre jeu de sens, a accès aux sensations ou à l'esprit qui n'est pas nôtre, mais qui est dans certains sens mystérieux de la Terre. C'est une qualité de cette physiologie sphérique ou de ce métabolisme, si vous voulez, grâce auquel nos physiologies séparées sont entremêlées. Nous, tout en fait, même les autres animaux, les araignées, les corbeaux et les aigles. Alors merci, j'espère que cette entrée en matière sur votre travail, David Abraham, a permis aux auditeurs de comprendre à la fois la dimension poétique de son œuvre et philosophiquement le propos qui va très loin, Anne Simon, Pierre Guénantia, puisque vous êtes les deux lecteurs ce matin de cette œuvre, ce propos qui va très loin, puisqu'il assume véritablement l'idée que la nature fait une expérience avec nous au moment où nous-mêmes faisons l'expérience de celle-ci. Anne Simon, je vous laisse donner votre avis sur tout cela. Je pense que David Abraham s'inscrit déjà dans une perspective phénoménologique qui fait que si on pense que l'humain est placé en face d'une nature qui lui serait extérieure, on rate en quelque sorte cette question de la nature. Et donc, si au contraire on se dit que nous, en tant qu'êtres conscients, nous sommes insérés dans le sensible, que nous en participons, parce que tout simplement nous avons une voix, une gorge, des mains qui touchent, qui se sentent touchées, etc. Donc si nous pensons que nous participons et que nous faisons partie de la nature, alors évidemment, cette conscience humaine, elle est en quelque sorte diffractée dans celle-ci. La seconde chose, évidemment, en tant que zoopoéticienne, en quelque sorte, c'est que le vivant exprime, s'exprime, émet des signes, émet des sens, alors pas au sens de notre langage articulé, qui a des spécificités évidemment, mais il y a des échanges qui s'effectuent à ce niveau-là. Pierre Guénantia, bon, la nature s'exprime, les animaux s'expriment. Peut-être peut-on dire que les arbres, les plantes, l'herbe, tout cela s'exprime. Comment entendez-vous le propos de David Abraham qui est d'aller attribuer une véritable langue à la nature, une capacité d'expérience, voire une certaine sorte de conscience? Eh bien, il y a deux choses. La première chose, c'est ce que vous disiez en commençant cette émission, c'est-à-dire que on est séduit par l'écriture poétique, par l'empathie que David a envers la nature, les animaux, les choses. Tout cela, c'est quelque chose de très, non seulement honorable, mais de très très sensible et de très agréable à entendre, parce que c'est bien écrit et puis parce que ça témoigne d'une expérience individuelle. Mais c'est là aussi le point d'accroche, c'est-à-dire que je vois pas comment cette expérience individuelle, qui est forte et qui est totale, peut valoir comme expérience objective. C'est-à-dire que comment on peut fonder l'idée que la nature parle, que les animaux parlent, que les arbres parlent? Comment peut-on fonder l'idée d'une empathie entre l'homme et la nature qui soit autre que de l'ordre du sentiment individuel, subjectif, qui est celui de David, qui peut ne pas être le mien, ou celui de quelqu'un d'autre? Donc il y a là, me paraît-il, une sorte d'imposition au nom de sa propre subjectivité, d'une conception, d'une impression, d'une doctrine peut-être, d'une idéologie que l'on n'est pas forcé de partager, notamment lorsque les arguments ne sont pas présentés. Or, je n'ai pas vu d'arguments dans le livre, notamment la Terre, là, The Spell, en fait. Je n'ai pas vu d'arguments montrant que le langage, il y a continuité entre le langage humain, qui est un langage structuré, qui est un langage articulé, et le langage prêté aux animaux. Mmh. Donc, voilà, je crois qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de transfert analogique de l'expérience humaine sur sur les choses ou sur la nature, et qu'on appelle en d'autres termes l'anthropomorphisme. Et je crois que c'est pas mieux que l'anthropocentrisme que critique à juste titre David Abraham. Hein. J'ai trouvé que à plusieurs reprises, au fond, on avait affaire à une sorte d'enchantement de la nature, une sorte de conception quasi magique de la nature, et un oubli de ce que l'intentionnalité, dont Merleau-Ponty était un grand spécialiste, oui. Ce que l'intentionnalité a de spécifique, justement, par rapport à l'expression. Alors j'aimerais que vous répondiez à cette remarque, David Abraham. Pensez-vous vraiment qu'on sort du sujet, que le sujet face à la nature vit une expérience que n'importe qui peut vivre parce que c'est la nature qui nous donne quelque chose d'objectif? Est-ce que nous ne reconstruisons pas à chaque fois qu'on lui donne une imagination, un langage, quelque chose qui vient de notre imagination? Je crois que c'est ce que vous vouliez dire, Pierre Guénantia. Vous parlez de transfert analogique, de ce que le sujet imagine, pense, il imagine que la nature pense comme lui. Que répondez-vous? C'est une objection à votre propos. Well, I would like to be a bit more precise. Je voudrais être un peu plus précis. Our introductory exchange. Dans notre échange au départ, pour moi, la poésie, la poétique ou la musique du langage est très importante, mais pas plus important que l'aspect et la précision philosophique de l'argumentation dans mon œuvre. Et c'est pour ça que la traduction est toujours un peu difficile, parce que dans chaque langue vers lesquelles mes livres sont traduits, les traducteurs prennent en fait deux fois plus ou trois fois plus de temps que prévu, parce qu'ils doivent être très très attentifs à la précision philosophique, aussi bien que la musique et la mélodie du discours. Pour moi, le langage est très important. Parce que la façon dont on parle contraint profondément ce que nous voyons, ce que nous entendons, ou même ce que nous goûtons de la terre autour de nous. Mais il y a aussi des façons pour le langage des façons, par exemple, d'utilisation des mots qui peuvent ouvrir les sens, qui peuvent nous éclairer et qui peuvent encourager cette réciprocité entre nos sens animaux et les sens de la terre. Et moi, je cherche toujours ces manières de parler différemment. C'est un enjeu de langage que vous soulignez ici. Anne Simon, oui, je veux bien. Il revient, vous voyez là, à David Abraham sur l'enjeu poétique. Et disons que cela pourrait impliquer que, effectivement, le langage de la nature ne peut se donner que dans la langue des humains. Oui. Anne Simon, et pourtant, nous l'avons vu, il va bien plus loin, David Abraham. Comment vous voyez cette sorte de contradiction ? Je pense que David Abraham va plus loin, et il va plus loin dans la dimension poétique de sa philosophie. N'oublions pas que poétique, poiein, c'est l'idée d'un faire, d'une action, et qu'il y a donc une efficience, une efficacité du langage qui est une forme d'action. Le langage est une forme d'action. Oui. Alors, le langage humain, n'oublions pas, ce ne sont pas simplement des mots du dictionnaire qui sont accolés les uns aux autres. Ce sont, il l'a dit, des rythmes, des vitesses, des intensités. Et ça, c'est ce que nous partageons avec les éléments, pour employer un très vieux mot. C'est ce que nous partageons avec les animaux, avec l'air, le vent, etc. Et si on envisage le langage, non pas seulement comme des mots qui font sens, qui ont des significations, on va dire les mots du dictionnaire, pour reprendre un livre qui est dans un rêve de Descartes, sur lequel on reviendra peut-être, mais que c'est, on est aussi dans des articulations rythmique, alors on comprend que le langage puisse non pas mimer, non pas se situer à la place, par exemple, de lignes animales, de lignes de fuite, d'échappée, d'arrêt, de stase, de pause, de repos, etc., mais puisse les accompagner en quelque sorte. Autre chose aussi qui me semble importante sur la question de l'anthropomorphisme, effectivement, c'est-à-dire ce fait de mettre nos affects humains ou de les projeter sur la nature, sur les éléments, etc., ça peut être une illusion. C'est aussi, il y a aussi ce fait que nous ne sommes pas seulement des anthropoïdes, des humains, nous sommes aussi des primates, nous sommes aussi des mammifères, nous sommes biomorphes en quelque sorte, et donc notre langage n'est pas simplement une spécificité humaine, c'est une spécificité d'humains qui sont aussi des primates, aussi des vertébrés, j'allais dire. Et donc, c'est pas finalement étonnant que notre langage puisse entrer en correspondance, pour reprendre un terme baudelairien, avec la nature. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que si le langage avait été je ne vais pas dire inventé, mais si les humains avaient sécrété le langage pour se couper du monde, je dirais que les humains ne seraient plus là. Je pense que le langage a été une technique de survie, a été une technique de communication, de partage aussi, de lutte, et que donc il n'est pas un hors-sol, il n'est pas hors-sol, il fait partie de ce que nous voulons exprimer. Je crois que Merleau-Ponty ne serait pas très loin. Alors merci, parce que je voulais justement que Pierre Guénantia, dont on a entendu la critique, c'est-à-dire qu'on peut critiquer l'anthropocentrisme, on a raison, mais si c'est pour projeter sur la nature une idée de la conscience anthropomorphique, bon, dites-vous, il y a un problème. Mais par ailleurs, vous qui connaissez bien Merleau-Ponty, comment lisez-vous l'usage que David Abraham fait de Merleau-Ponty, considérant que le sujet humain se met en rapport avec la chair du monde, par sa propre chair, et finalement sort de lui-même, c'est un peu ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut utiliser Merleau-Ponty en ce sens ? Écoutez, ça, je suis pas habilité à donner des satisfecit ou des en ce qui concerne l'usage de Merleau-Ponty. Ce que j'ai trouvé, parce que Merleau-Ponty va être très souvent cité, mais il y a des choses que je voudrais mentionner. Oui, la première chose, c'est que Merleau-Ponty s'est toujours réclamé du cartésianisme, que Merleau-Ponty n'a jamais récusé le cogito de Descartes, bien sûr. Et que Merleau-Ponty a énormément réfléchi, il l'a dit dans des entretiens, depuis le début de sa carrière, sur le problème de l'union de l'âme et du corps. Et donc, je voulais savoir, au fond, ce que devient la dualité de l'âme et du corps, qui n'est pas une séparation, mais qui est une distinction, et qui est une distinction que Merleau-Ponty travaille, d'une certaine manière. Je voudrais savoir ce qu'elle devient, justement, dans une conception holiste, c'est-à-dire au fond totaliste, animiste bien sûr, et je crois que jamais Merleau-Ponty ne sombre, car pour moi c'est un naufrage, car jamais Merleau-Ponty ne sombre dans l'animisme, la sensibilité, le sensible, il restitue d'une certaine manière la dualité du senti et du sentant d'Aristote, mais ce n'est pas pour autant qu'il fait parler la nature. Et qui lui donne au fond des émotions ou des sentiments qui sont les leurs. Il n'y a pas chez Merleau-Ponty de projection. sur la nature. Mais il y a un approfondissement de notre rapport aux choses qui passe justement par la chair, comme vous dites. Ça, mais ça, au fond, c'est en droite ligne de Husserl. Mais Husserl n'a jamais confondu l'expression et la signification. C'est pas parce que les choses expriment. Et c'est vrai qu'un nuage exprime la tristesse, un soleil exprime la joie, la mer exprime la quiétude, mais ça ne signifie pas la quiétude. Ça ne signifie que pour une conscience qui déchiffre d'une certaine manière un message. Or, où est le message du nuage ou du soleil ? Ces exemples sont très explicites. Que répondez-vous, David Abram, à vos deux lecteurs de ce matin ? Il y a tellement de choses à dire. Mais tout d'abord, reconnaître que tous nos langages humains sont nés dans un contexte profondément indigène. What we know from the many very different and ce que nous connaissons indigenous traditions, les traditions indigènes très today, différentes qui sont toujours présentes à nos jours, c'est que and there are so many, such cultures that are so il y a tellement de cultures qui sont tellement incommensurables les unes avec les autres. Quand on pense aux Australiens, aux Hopi près du lieu où j'habite, dans le sud-ouest américain, ou des Lakota, des plaines, ou des Guarani de l'Amazone, du bassin de l'Amazonie, ou les Sam de la Scandinavie du Nord, nous parlons de peuples qui traditionnellement sont des peuples oraux, sans système formel d'écriture, qui, en dépit de toutes leurs différences, ont des choses en commun, quelque chose en commun. C'est le refus, entre autres, de faire une bifurcation ou une divergence entre ce qui est animé et ce qui est inanimé. Pour ces peuples-là, pour ces peuples, tout est animé. Tout bouge, mais certaines choses bougent beaucoup plus lentement que d'autres, comme par exemple les murs de cette pièce ou le sol sous les fondations. Et pourtant, ils bougent. Mais il y a cet autre point commun pour virtuellement toute civilisation orale ou non écrite que nous connaissions. Assumes that language qui présume que le langage is not an exclusively human possession. N'est pas une possession humaine seule. Tout parle, mais la plupart des choses ne parlent pas en mots. Ils s'expriment en mélodie, comme les oiseaux, le rythme des criquets, par exemple, mais aussi, par exemple, les grenouilles, les corbeaux, le vent à travers les arbres, les vagues sur la plage. Tout cela a du sens. C'est pas un sens explicite comme nous nous cherchons des sens dans nos mots, mais ils sont expressifs. Ils nous émeuvent au sens propre du terme, nous font mouvoir. Et tout comme le tonnerre signale l'arrivée de la pluie. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que tous nos langages humains viennent d'une sorte d'appel, de réaction avec le monde parlant. Le langage humain, le langage verbal, n'est pas né seulement entre humains se parlant les uns aux autres. Cela émerge toujours dans un contexte animiste dans lequel nous réagissons aussi à ce qui est dit de façon polyphonique par le cosmos qui parle d'une million de façons différentes. Je vais en donner un exemple très bref en anglais. Le mot qu'on utiliserait pour parler d'un courant entre les rives. Les mots par lesquels on décrirait cette eau seraient splash, rush, gush, wash, the wash of the water between the banks. But ces termes the sound qui expriment des sons, all of these words, mais ces sons, splash, gush, ces mots ont tous un son commun. Rush is the sound that the water c'est le son fait par l'eau qui parle en se mouvant entre les rives. Nos langages humains ont été nourris par beaucoup d'autres voix et pas seulement des voix humaines. Donc le langage humain doit beaucoup à la langue de la nature, puisque vous considérez qu'il y a une langue de la nature, ce qui soulève beaucoup d'interrogations, notamment chez Pierre Guénantia. Pour aller plus loin, justement, sur cette question, bon, d'abord, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie du philosophe américain David Abram, qui réfléchit à cette langue de la nature. Je voudrais dire aussi que David Abram a une vraie expérience de magicien. Il s'est formé auprès des magiciens du Sri Lanka, d'Indonésie, du Népal. Il nous en parlera peut-être. Ceux-ci comprennent mieux la langue de la nature que l'homme occidental. Nous allons y venir. Mais ce que vous dites aussi, qui est le cœur de l'argument, je crois, c'est que la langue humaine, lorsque nous avons considéré que les mots étaient coupés de la nature, que les mots valaient pour eux-mêmes, eh bien, nous leur avons donné une magie à eux, dites-vous. Et ce jour-là, nous avons perdu la langue magique de la nature. Alors, pour l'expliquer dans les mots de David Abram, je vous propose d'écouter cet autre extrait où il évoque la manière dont on a perdu, par notre langage à nous, la langue de la nature. C'est seulement lorsqu'une culture déplace sa participation vers les lettres imprimées que les pierres se taisent. C'est seulement lorsque nos sens transfèrent leur magie vivifiante aux mots écrits que les arbres deviennent silencieux et les autres animaux, bêtes. C'est seulement lorsque les caractères écrits perdent toute référence explicite aux phénomènes naturels visibles que nous entrons dans un nouvel ordre de participation dans lequel la parole ou le langage en viennent à être vécus comme un pouvoir exclusivement humain. Et c'est seulement alors que la civilisation est entrée dans cette forme, nouvelle et entièrement autoréflexive, d'animisme ou de magie qui nous tient toujours sous son charme. Le savant bulgare Tsvetan Todorov a procédé à une analyse très éclairante de la conquête espagnole des Amériques, fondée sur une étude exhaustive des documents datant des premiers contacts entre la culture européenne et les cultures natives du continent américain. Les Aztèques, dont l'écriture était hautement picturale, se sentaient nécessairement en communication directe avec un environnement animé et plus qu'humain. Les Espagnols, quant à eux, dotés d'un système d'écriture alphabétique, se vivaient en communication non pas avec les formes sensuelles du monde, mais uniquement les uns avec les autres. En contact avec cette nouvelle et puissante magie, avec ces hommes qui ne participaient qu'aux signes qu'ils produisaient eux-mêmes, dont les paroles semblaient donc flotter librement, sans attache au monde, et qui pouvaient dès lors tromper et mentir, même en présence du soleil, de la lune et des forêts, les Indiens ont senti leur propre rapport à ces pouvoirs sensuels, à ces dieux, commencer à faiblir. Confrontés à l'agression de cette nouvelle forme de magie, entièrement autoréflexive, les peuples natifs des Amériques, comme ceux d'Afrique plus tard, ont senti leur propre magie dépérir et devenir inutile, incapable de les protéger. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Ça, c'est une théorie de David Abram, une véritable théorie que la magie du signifiant, comme nous disons parfois en philosophie, la magie des mots à l'occidental aurait tué la magie De certains peuples, des indigènes, des chamans, et il le regrette, David Abraham. Qu'en pensez-vous, Pierre Guénantia? Et puis nous le laisserons répondre, préciser ce problème. Je respecte tout à fait ce regret, que je ne partage pas, mais je n'ai aucune compétence sur le terrain, et ça va de soi. Non, les questions que je voudrais poser, et que je me pose en le lisant, sont toutes simples. C'est, au fond, comment sait-on que la nature parle, que les arbres parlent, que les choses de la nature nous envoient des messages? Comment sait-on que il y a une sorte de sympathie universelle? Voilà, tout ce que je voulais savoir, c'est justement comment le sait-on? C'est-à-dire comment le dit-on à celui qui ne l'éprouve pas, comme moi par exemple? J'ai du mal à penser, si vous voulez, que l'arbre me parle. Donc je voudrais, et c'est vrai que je gagnerais en expérience, à savoir au fond comment arriver à entendre ce que l'arbre me dit et que je suis jusqu'à présent sourd à entendre. Donc ça, c'est une première chose que je voudrais. La deuxième chose, c'est ce que vous avez rappelé, l'expérience au Sri Lanka, je crois. Oui. Et que les magiciens sont arrivés à faire je ne sais plus quoi. Mais ce que je trouverais intéressant, c'est que ces magiciens nous expliquent comment ils font pour obtenir des choses ou des êtres, de la nature, les messages, qui nous expliquent, parce que ils veulent savoir, eux, les magiciens, comment on fait pour constituer un génome, pour séquencer un génome, comment on fait pour dénombrer le nombre de molécules d'un corps, etc. Enfin, des choses qui sont physiques. On peut l'expliquer, ça. C'est explicable à tout le monde. Donc, il y a une asymétrie entre l'universalité et la, comment dire, la démocratie, si je puis dire, l'esprit démocratique de la science, et le caractère très, comment dire, sectaire, de chapelle, de ésotérique, de l'expérience dont on voudrait nous dire qu'elle est universelle, mais sans nous dire comment elle peut l'être. Voilà, c'est un peu... Bah oui, ce sont des questions importantes, David Braham, notamment d'expliquer à quelqu'un qui ne ressent pas du tout la langue de la nature comme vous, lui expliquer comment vous en êtes si sûr, au fond. Voilà. I am sure about nothing. Je ne suis sûr de rien. For me, these are experiments. Ce sont des expériences. Des explorations, des aventures dans la pensée, dans le langage. Est-ce que quelqu'un peut trouver une façon de parler qui ait sens au sens le plus profond du mot, c'est-à-dire que les sens de quelqu'un se réveillent, deviennent vivants, soient éveillés au sens de l'endroit où on se trouve? Tel que Pierre le dit, et parle des preuves science today, la science d'aujourd'hui, that is all very rich, tout ça est très riche, mais c'est une façon particulière de parler, une compréhension particulière du langage en tant que représentation, c'est-à-dire que nous forgeons nos mots pour représenter le monde, pour cartographier ce qui est le cas, comme si le langage humain venait de l'extérieur du monde, par-dessus le monde. Comme l'a dit William Burroughs, le langage est un virus de l'espace, mais ce n'est pas un virus venant de l'espace. Le langage bouillonne parmi le monde, dans cet appel et réponse, et aux autres voix et aux sons, afin de chasser avec succès d'autres animaux avant l'invention de la poudre et des armes à feu. Il fallait apprendre la façon de parler des animaux. Il fallait être apprenti des sons, des danses, des gestes des animaux pour pouvoir les approcher. Beaucoup de ces sons premiers, appris des autres animaux, sont quasiment les premiers mots, les premières phrases dans notre discours humain. Mais je voudrais dire que pour les traditions orales, les peuples de tradition orale, les cultures sans système d'écriture formelle, le langage humain n'est pas une représentation du monde. C'est plutôt une façon de faire un pont entre soi-même et un autre être. Nous passons beaucoup de temps en parlant de la montagne, en parlant de la rivière, en parlant du temps. Mais mes amis indigènes de la culture orale, près de là où j'habite, passent autant de temps à parler à la montagne, à se présentant à la présence de la montagne, de la rivière, du vent, et écoutant ce que répond l'arbre, par exemple. Ce sont des langages humains sentis comme une façon de toucher ou de faire le pont avec le silence. Refermer l'espace entre moi et quelqu'un d'autre. C'est comme lorsqu'on parle à son être aimé en lui disant « je t'aime, je t'aime ». C'est l'utilisation du langage dans un sens non représentatif. Et ça, c'est le sens aboriginel de l'existence pour le langage humain. En ce qui concerne Descartes, le « je pense, donc je suis », je dirais que c'est une réaction, c'est « tu es et donc je suis ». Pierre Guédon, ça est vraiment sur Descartes, moi, c'est obligé, il faut qu'il réponde. Mais, qui dit « tu es » ? Qui dit « tu es » si ce n'est le « je » ? Et donc il est antérieur au « tu » puisqu'il il lui dit « tu es ». On est d'accord sur le plan éthique, mais sur le plan épistémologique, c'est ça que je voudrais savoir, c'est comment le « tu » peut se présenter sans être l'idée, justement, que le jeu se fait de ce tu. C'est tout ce que... Anne. Je veux bien rebondir, peut-être... Oui, très bien. Anne-Simon, rebondissez. Et du jeu et du tu. Et de la montagne qui répond, d'après David Abraham, aux paroles qu'on lui adresse. Merci. Si on reprend déjà Martin Buber, peut-être que le jeu ne peut s'élaborer qu'à partir d'une voilà d'un tu. Hein. Il y a pas de formation. Qui pense le tu si ce n'est le jeu? Mais ce jeu, c'est un corps qui est engainé, invaginé, encapitonné en quelque sorte dans le monde, pour reprendre des expressions merleau-pontiennes. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est très intéressant. On voit à quel point le travail de David Abraham est à la fois poétique et politique, ce qui est aussi d'ailleurs la zoopoétique. On a des mots qui fonctionnent pas là, on le voit bien, on l'entend dans cette émission, fusion, animisme, le langage, parler, etc. Je pense que ce sont un peu des pièges et que pour l'instant, on n'arrive pas à être peut-être tout à fait raccord sur ce qu'on entend par là. Il y a peut-être une mauvaise façon d'aborder l'œuvre de David Abraham qui est de croire que dans votre œuvre, David, tout serait euphorie, enchantement, etc. Je pense qu'il y a eu un moment de l'histoire à la fin du XXe siècle où The Spell of the Senses était vraiment extrêmement important pour revenir vers une sorte d'enchantement, effectivement, de la nature, du monde, etc., dans la mesure où on avait peut-être oublié cette capacité de la Lebenswelt, comme dirait Husserl, à nous constituer de façon positive et merveilleuse, mais je crois qu'il fait aussi la place à l'adversité dans son texte, et notamment à la question de la mort. Et à la question, excusez-moi, mais vous êtes très simplement en accord avec l'idée qu'on dialogue avec la montagne comme on dialogue avec l'être aimé. Vous êtes occidental comme nous. Nous sommes nombreux, je crois, à avoir du mal à penser les choses ainsi. Vous n'avez aucun mal, Anne-Simon. Moi, j'en ai aucun parce que, d'abord, il y a une... Vous le rappelez, à la suite de Paul Sheppard, David, il y a une coévolution du langage et du langage humain et du monde naturel. Hein. On n'a pas été des jeux, des consciences, que ce soit avant le néolithique, qui étaient en quelque sorte fermées sur elles-mêmes. Hein. Je pense que dans la dimension de l'expression, de l'admiration, qui est quand même une des vertus, une des passions de l'âme, qui était la première des passions. La première des passions. selon Descartes. Le maudit. Et sa préférée, c'est la générosité. Je crois que ça nous montre à quel point le langage que nous employons, parce qu'il y a des usages du langage et il n'y a pas le langage en général, a une capacité d'ouverture et de fermeture quand il est toxique, quand il est mortifère. Mais il ne faut pas oublier que même avec le langage, le langage oral, on est dans le souffle, on est dans la marche aussi. Hein, quand on randonne beaucoup, comme moi et comme David, je pense qu'on sait que la pensée, comme dirait Gracq, Julien Gracq, vient en marchant. Mais même le langage écrit, on écrit avec nos mains, on tape sur un clavier avec nos doigts, on regarde avec nos yeux, etc. Pour continuer, parce que nous sommes toujours sur cette même idée, est-ce que nous pouvons dialoguer avec la nature comme entre êtres humains? David dit oui, David Abraham, vous, Anne-Simon, vous dites aussi oui à votre manière, avec d'autres mots. Le comme pose problème. Oui. Et alors, il y a une scène vraiment extraordinaire dans Devenir animal, le dernier livre de David Abraham, dont je voudrais que nous parlions. Une scène où l'un de ses compagnons de marche, Sonam, semble devenir un corbeau. On ne peut pas dire autrement. Et il y a un doute, mais presque, je dirais presque une certitude à la fin, c'est que dans la tête de David Abraham, il s'est passé quelque chose. Cet individu humain a dû quand même, à un moment donné, devenir corbeau. On écoute ce texte extraordinaire. Le corbeau paraissait soudainement planer vers moi, puisque sa taille apparente augmentait rapidement. Mes bras se sont dressés instinctivement pour me protéger le visage, mais l'oiseau s'est posé au milieu du chemin. Il y avait pourtant quelque chose de faux dans sa manière d'atterrir. Sa forme était tordue et l'atterrissage bien trop bruyant jusqu'à ce que je comprenne que je regardais Sonam et non pas le corbeau. J'ai cligné des yeux et compris qu'à ma plus grande perplexité, Sonam était bien plus loin de moi que là où était l'oiseau. Que diable se passait-il ? J'ai avancé de quelques pas vers lui. Mes yeux ont découvert que le rocher où le corbeau était perché était lui-même bien plus loin que j'avais cru. Je restais debout, choqué, m'efforçant de comprendre ce que j'avais vu, m'efforçant de permettre ce que je venais de voir. Un homme transformé en corbeau, puis à nouveau en homme. Un homme que je connaissais. Une métamorphose parfaitement impossible s'était produite devant mes yeux. Sonam me regardait de là où il était, sa tête penchée sur le côté. Je sentais un tremblement monter de mon pied et mes jambes étaient en train de céder. J'ai fait quelques pas, puis je me suis arrêté et j'ai regardé aux alentours, tournant la tête vite d'un côté et de l'autre pour m'assurer de ce que j'avais vu. Était-ce simplement une perception erronée, une confusion momentanée de mes sens? Sonam est passé devant moi et s'est engagé sur le sentier. Après quelques mètres, il s'est retourné et m'a fixé droit dans les yeux. Il pivotait sa tête d'un côté et de l'autre, puis il a ouvert la bouche et a croassé. Une série parfaite de cris de corbeau, avant de reprendre le chemin dans le crépuscule bleu de la montagne. David Abraham, vous vous dites, c'est impossible que cet homme soit devenu un corbeau. Vous l'écrivez d'ailleurs, normalement c'est impossible. Mais alors vous vous dites, j'ai dû halluciner. Ou bien vous vous dites, eh bien si, il faut que j'apprenne à comprendre que c'est possible. Well... For my experience, bien de mon expérience, living with vivre the medicine people or avec les hommes médecine, les Zankri du Népal, or before that, living ou among avant the cela, avec les Dukun indonésiens, their medicine people, leurs hommes médecine, that they work with this fundamental ambiguity. Ils travaillent avec cette ambiguïté fondamentale itself. De la perception elle-même. They pay such close attention to ils font tellement attention enigmas aux énigmes subtiles, aux qualités énigmatiques de nos expériences sensorielles. One can be walking along the beach. On peut marcher le long de la plage et voir, par exemple, des pneus abandonnés, laissés ou jetés sur la plage. Et en s'en rapprochant, ces pneus qui sont assez gros, comme si c'était des pneus de camion, vous en rapprochez à, disons, une vingtaine de mètres, et soudain, l'un de ces pneus se relève et commence à flotter dans la mer. Parce que ce n'est pas du tout des pneus, ce sont des lions de mer endormis. Mais ma perception avait conclu qu'il s'agissait de pneus. Et ils se sont soudain métamorphosés en lions de mer. Ce type de métamorphose se produit sans cesse pour nous en traversant le monde. On tire des conclusions sur les choses que nous voyons qui s'altèrent, qui se corrigent d'elles-mêmes de nos corps animaux, de notre perspective de corps animaux. Le monde est changeant de forme. Tout est prêt à devenir quelque chose d'autre à tout moment. Oui. Bon, je sais très bien, parce que vous avez parlé plusieurs fois, Pierre Guénantiac, et je l'avoue, comme moi, nous avons un peu de mal. Là. Nous pensons que, notamment, la rationalité philosophique est d'établir le vrai, et pas de corriger sans cesse en fonction de ce que nous percevons, justement, les choses. Enfin, c'est sûr qu'il y a quelque chose là, dans ce que dit David Abraham, qui est une limite pour la philosophie rationaliste. Il y a pas de... Géraldine, oui. Je crois que ce qui est atteint, et c'est quand même assez important sur le plan de la communication, c'est ce que Kant appelle l'unité de la perception. C'est-à-dire oui. La conscience, justement, de la succession, du changement, mais d'un changement et d'une succession qui sont ordonnés. Et qui sont ordonnés à la conscience que j'ai, justement, de la même chose. Et par conséquent, de ce point de vue, la nature n'est pas facétieuse. Parce que, non pas parce qu'elle elle le serait pas, parce qu'elle serait, comment dire, honnête et franche, mais parce que nos concepts ne nous permettent pas, justement, parce que nous la pensons avec nos concepts. Et David, comme moi, comme Anne, comme vous, pensons les choses avec des concepts. Et ces concepts, c'est nous qui les forgeons, et c'est pas la nature qui nous les donne. Voilà. Ça, c'est là le point. C'est ça le point. Et c'est vrai que c'est difficile d'argumenter. Voilà. Et si elle nous le donne, il faut qu'on nous dise comment elle nous la donne. Je vais donner, moi, le dernier mot à Anne Simon, puisque c'est une défense, souvent dit parallèle à la défense. C'est une défense de cette démarche de David Abraham. Je pense qu'il y a quelque chose que vous comprenez très profondément dans ce qu'il fait, que peut-être d'autres saisissent moins. Et je pense, Pierre, que je comprends David Abraham peut-être à partir d'un champ philosophique qui est un champ de la rationalité qui nous est commun. Parce que la sensation que j'ai, c'est que tous deux, vous seriez peut-être sur deux faces finalement, philosophiques ou métaphysiques ou sensibles qui ne seraient pas les mêmes. En réalité, je pense à ce que disait Husserl à propos de l'illusion. Il disait que l'illusion est un moment du monde, un moment de ma perception, de la constitution de moi-même. Je crois avoir vu un homme transformé en corbeau, mais ça a réellement eu lieu. Il dit ça ne peut pas être biffé, ça ne peut pas être effacé. Et donc je crois que dans la danse, dans la méditation, dans les arts martiaux, dans les mimes, dans la poésie, on active en quelque sorte des façons non conventionnelles d'exercer notre relation au monde. Ça ne veut pas dire que la rationalité disparaît, ça veut dire que simplement on va faire pencher en quelque sorte notre pensée vers le monde sensible. Je n'ai pas le temps d'envoyer une chanson, mais je précise qu'il y a, vous avez entendu à un moment sous les textes, ces chanteurs d'oiseaux, Jean Boucaud et Johnny Rass, qui imitent extraordinairement bien le chant des oiseaux et les intègrent à leur musique, en particulier dans la Symphonie des oiseaux de 2017. On l'a un peu entendu dans l'émission. Merci à tous les trois, David Abraham, Anne Simon, Pierre Guénantia, pour cet échange, je crois, très riche. Vraiment, merci David Abraham de vous être prêté à cet échange. À présent, voici la chronique de Frédéric Worms qui, cette semaine, nous parle de différence et d'indifférence. Voici le pourquoi du comment. Comment peut-on respecter les différences ? Dans les années 80 et même 90 encore, je pense, les historiens doivent y travailler sans doute, en France et probablement aussi dans le monde. Il y a eu l'émergence d'un nouveau type de problème moral, éthique et même parfois juridique dans ce qu'on appelait alors le respect des différences et même parfois le droit à la différence. Et depuis, cela a été beaucoup critiqué comme une sorte d'abstraction. En effet, revendiquer le droit à la différence, ça peut être un mauvais infini, comme on dit aussi en philosophie. On revendique le droit d'être soi-même, le droit d'être ceci ou cela, et finalement de ne plus communiquer avec les autres. C'est la perte aussi, disent certains, des devoirs communs par des droits infinis à la singularité. Ça peut être la dissolution des principes communs, la dissolution du social. Certains ont parlé d'une société fluide, d'une société dissoute en ce sens et l'ont beaucoup critiqué. Et il est vrai que d'une certaine manière, cette expression du droit à la différence peut être très abstraite, peut aggraver les risques d'abstraction qui se trouvent, Simone Veil l'avait dit dès 1941-42 dans l'enracinement, dans les droits de l'homme. Il vaut mieux parler du devoir à l'égard des êtres humains en général, peut-être que des droits qui amènent à revendiquer malgré tout contre les autres. C'était sa critique et ce n'est pas le moment d'y revenir. Il y a aussi évidemment, l'idée qu'elle défendait dans ce texte admirable intitulé « La personne et le sacré », que ce que je respecte dans un être humain, ce n'est pas sa personne, nous dirions aussi aujourd'hui, ce n'est pas sa différence, c'est elle, c'est lui, tout simplement. Dans une personne qui passe, je ne respecte pas sa différence, que je peux aussi essentialiser, sa couleur de peau, sa religion, son altérité abstraite, mais je le ou la respecte, elle ou lui, comme tel, absolument. Ce grand texte, La personne et le sacré, aurait donc, je pense, incité Simone Veil à critiquer le respect de la différence comme tel, le droit à la différence, comme si l'on devait réduire, à travers ce mot, une personne à une perception abstraite, à un genre de différence, pour ainsi dire, lui-même essentialisé, qui ne respecte pas la différence fine de sa singularité. Et pourtant, on s'aperçoit aujourd'hui que dans le reflux de ce respect des différences, dans cette critique des différences qui revient aussi parfois maintenant à retrouver des risques de discrimination au nom de tel ou tel trait supposé essentiel, eh bien dans cette critique, il ne faut pas aller trop loin non plus. Peut-être que le respect des différences ou que le droit à la différence trop généralement exprimé, peut être contre-productif, mais malgré tout, respecter des différences dans ce sens au moins négatif, de ne pas faire de tel ou tel trait extérieur un principe de discrimination entre les êtres humains, justement pour accéder ensuite à leurs différences profondes, leur différenciation individuelle, leur être singulier, leur réalité individuelle, elle, lui, dans sa voix, sa parole, son corps, sa souffrance ou sa joie, eh bien oui, il faut peut-être retrouver aujourd'hui ce sens, sinon du respect des différences, du moins de l'interdit de fonder une discrimination sur des traits essentialisés, des différences abstraites entre les humains, pour accéder à ce qui nous différencie positivement et que, quand tout va bien, en effet, nous n'avons pas besoin de revendiquer parce que justement nous nous en émerveillons, parce que nous ressentons vivement ce qui fait la différence de chacune et de chacun et comment chacune et chacun, en réalité, justement, fait la différence. Merci Frédéric Worms. Merci aussi Michel Zlotowski qui ce matin était notre interprète dans ce studio pour traduire David Abraham que nous recevions. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.